qui rêvait de l'enfant qui sera beau, qui sera guérant et qui aura tous les talents. Celui qu'on entendra chanter, crier l'amour et l'amitié, pour qu'il sera beau comédien. Dans la salle de concert, il y a bien des places de parterre, mais bien peu sous les projecteurs. Je comprends tous vos espoirs et je voudrais bien vous croire, mais je vous dis attention. N'en faites pas des musiciens aux guitares dans les mains et aux vies de vieux marins. N'en faites pas de ces pantins chantant mille et un refrain en rêvant du lendemain. Dites-leur n'importe quoi, que vous connaissez le gars qui a si longtemps rêvé. Dites-leur que j'ai raison, moi je connais ce garçon, mais n'en faites pas des musiciens. Conterai l'histoire de vous partir pour la gloire, bien trop loin de son pays. Quand avec ses trois amis, il passait toutes ses nuits à rêver des États-Unis. Mais quand le rideau s'est levé, que le show s'est éternisé devant d'étranges étrangers. Le chanteur un peu tremblant, même s'il avait fait semblant, avait su la vérité. N'en faites pas des musiciens aux guitares dans les mains et aux vies de vieux marins. N'en faites pas de ces pantins chantant mille et un refrain en rêvant du lendemain. Dites-leur n'importe quoi, que vous connaissez le gars qui a si longtemps rêvé. Dites-leur que j'ai raison, moi je connais ce garçon, mais n'en faites pas des musiciens. Oui, dites-leur que j'ai raison, moi je connais ce garçon, mais n'en faites pas des musiciens.